Amis golfeurs, votre marché Richelieu Flora la Chance de Saint-Prime vous invite à profiter de ses spécialités pour le grill afin d'agrémenter votre 19e trou. Dégustez nos 10 variétés de succulentes saucisses préparées en magasin pour vous. Régalez-vous aussi de nos exquises rosettes de saumon farci au fromage et aux crevettes. Ou encore, tous les vendredis, expérimentez nos réputées et savoureuses côtes de dos cuites sur place. Pour un après-golf réussi, pensez marché Richelieu Florent Lachance de Saint-Prime, qui profite de l'occasion pour vous souhaiter une excellente saison. C'est la chronique du club de golf de Saint-Prime avec notre ami Gilles Larouche. Salut Gilles! Gilles, d'abord on va y aller avec le tournoi junior qui est aujourd'hui. Cette clientèle-là ici à Saint-Prime. OK. Donc, c'est-tu beaucoup de Saint-Prime? Il y en a d'ailleurs? Il y en a de tous les clubs de la région. Pour ce qui est de Saint-Prime, on a environ 8 au niveau du programme Excellence. OK. Et par la suite, au niveau de la Relève, on va avoir 12 autres jeunes de Saint-Prime qui vont partir tout de suite après le tournoi en compagnie de notre directeur golf, Jonathan Lambert. Qui vont suivre le tournoi, comme je mentionnais, puis pour voir aussi de quoi a l'air un tournoi, puis quel est le calibre. Alors, c'est une belle opportunité pour nous de leur faire vivre cette belle expérience. Joueuse de tournoi senior également qui s'en vient. Tournoi senior la semaine prochaine. C'est le rendez-vous annuel qui va avoir lieu le 8 août. Au niveau des inscriptions, disons que c'est environ 120 joueurs. Et j'ai regardé hier, j'ai eu information comme de quoi que les chiffres allaient être atteints à ce niveau-là. Et nous, ça nous permet de faire découvrir encore à une autre clientèle le nouveau parcours du club de golf, le domaine Lac-Saint-Jean. Et à cette occasion, disons que c'est une classique annuelle, les gens ont dit en privilège de manger du doré. C'est pour ça également qu'on a une somme très populaire. OK. Les promotions maintenant? Au niveau des promotions, je dirais que depuis avant le week-end golf, c'est une bonne période là, pour l'ensemble des clubs de golf. On n'a pas de promotion. On va redébuter fort probablement dans le coin du 10 août. Okay. Et j'aimerais te préciser, Dani, que le terrain est très achalandé actuellement. Il y a un momentum. Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas vu ça. On a les 200 golfeurs, des cibles de 200 golfeurs par jour. Disons que tout le monde ici est ravi, la température est au rendez-vous. Et les gens qui quittent, on a de nombreux commentaires, sont impressionnés par la qualité du terrain, mais à la fois au niveau du nouveau parcours, comme de quoi c'est un nouveau défi et c'est agréable de jouer. Ah, ben ça c'est tant mieux parce que ça avait mal, on va se dire les vraies affaires, ça avait mal commencé l'année. Je sais qu'à Dolbeau, ça va bien aussi de ce côté-là. Donc, ça avait mal commencé. Puis là, si vous pouvez. Mais tu sais, vous êtes tellement tributaire de la bonne température, là. C'est fou. C'est complètement fou, Gilles. Tu as tout à fait raison, Dani. Je t'en ai déjà glissé un mot. Ouais. Parfois, quand on a des stations de météo qui font des prévisions plus axées sur les précipitations que le pourcentage d'ensoleillement, c'est ce que ça peut causer. Oui, c'est pour les sports de plein air, c'est très difficile. Mais quand le soleil est là, je peux vous dire que les gens sortent, puis on voit des sourires, puis les gens sont de bonne humeur. Ouais, c'est classe. Hey, je t'ai pas parlé depuis la semaine passée. La semaine passée, j'ai fait une entrevue avec Martial, mais le directeur général, comment il a trouvé son week-end golf, lui? Je sais que Martial est bien content du côté du directeur. Moi, je suis ravi. OK. Je suis ravi, Dani, considérant que... il y a eu beaucoup de monde. Disons que les gens ont participé avec entrain. Les activités, c'était relativement complet. Il y a eu 240 quelques joueurs pour le tournoi des équipes. Beaucoup de participation au niveau des familles. L'Omnium Saint-Prime, on a acheté complet. Alors, le concours de potting, il y a eu une belle participation. On a notre petit gars de Robert Val qui s'en va au championnat mondial à Las Vegas au mois de novembre. Oh. Et le concours de long drive, finalement, il a fait beau. Ça nous a permis de voir vraiment de longs cogneurs. Les autres années, il y avait de la pluie, ça roulait pas, mais cette fois-ci, quand M. Caron Landry a une frappé une à 361 verges, disons qu'on a entendu des murmures dans la salle tellement que, au niveau du terrain, tellement que les gens étaient impressionnés. Moi, mon bilan est très positif. C'est clair qu'on a toujours des choses à améliorer. Mmh. Et améliorer sur du positif, là, il n'y a rien de mieux pour une direction générale. OK. Ben, Gilles, puis surtout votre président a passé une demi-heure de gagner. Fait que. Et voilà. Ça aurait été drôle, puis pas drôle en même temps. Hey, André Aymon, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que j'ai voulu avoir une entrevue avec. André Aymon, hein? Ouais. Ouais. Mais André Aymon, je peux te dire que c'est un gentleman. C'est une soie. Moi, c'est un privilège d'avoir connu ce monsieur-là. Puis j'étais encore en communication avec lui. Lui, il a trouvé le parcours. Il était magnifique. Il nous a dit, les gars, vous avez quelque chose entre les mains. Votre devoir, c'est de maintenir, entre autres, là, d'avoir la belle qualité de terrain comme on a. Mm. Et, entre autres, il a trouvé notre terrain était bien designé, beau défi. Et en plus, on avait qu'on a le lac Saint-Jean. Et il nous a suggéré fortement d'axer nos promotions sur le lac Saint-Jean parce que lui, c'est un monsieur qui est allé au Saguenay, une fois au club de golf lac Saint-Jean, il y a de nombreuses années, mais il ne connaissait pas le club de golf domaine lac Saint-Jean. Et quand il a vu le lac, il dit, il faut le mettre en évidence, il faut le vendre. Alors, on a créé une belle synergie avec les gens de la Tempête. Puis depuis ce temps-là, on est en communication. Puis on regarde pour faire d'autres activités ensemble. Bon, c'est bien. Ben, bravo, puis on se reparle bientôt. Ben, Gilles Larouche, on se reparle jeudi prochain quand je pars pour Boston, où je m'en vais au Fenway Park de Boston, voir les Red Sox. Fait qu'on se reparle jeudi prochain. Merci, Danny. Voilà, Gilles Larouche, le président, le directeur général du club de golf de Saint-Paul.